Élection providentielle. Élection providentielle. Élection providentielle, une émission animée par Aymeric Pourbet avec l'hebdomadaire Réforme et le site orthodoxie.com. C'est un fait, la France depuis quelques années semble obsédée par son déclin et il serait un peu rapide sans doute d'y voir une simple lubie d'experts en mal de sensationnel, les fameux déclinologues. Car il y a sans doute des raisons de s'alarmer, j'en veux pour preuve, le rapport de Michel Cantsu, ancien directeur général du Fonds monétaire international, un homme raisonnable et donc peu soupçonnable de tomber dans le catastrophisme. Son rapport, paru à la fin 2004, alertait les pouvoirs publics sur le manque de performance de l'économie française comparée à celle de ses voisins. Et pourtant, soyons justes aussi, la France dispose d'atouts, elle reste la sixième puissance mondiale pour la taille de son économie, mais ces atouts n'empêchent pas les classes moyennes de craindre un appauvrissement. Dans une économie donc où la concurrence mondiale est forte, l'heure est à la revalorisation du travail, à droite comme à gauche, reste à savoir comment. Et là, il semble que les méthodes divergent. Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Vous incarnez une sorte de troisième voie entre socialisme et libéralisme. Vous êtes sénateur maire PS de Mulhouse et vous vous déclarez vous-même social-libéral. Vous êtes d'ailleurs un admirateur d'un socialisme décomplexé à la Tony Blair. Pour vous, seul le discours de vérité est admissible aujourd'hui pour être à la hauteur des enjeux. Essayons donc de garder ce cap tout au long de cette émission où nous serons rejoints tout à l'heure par Robert Leblanc. Il est membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, directeur général d'un groupe d'assurance. Et puis toujours avec moi, Jean-Luc Mouton de l'hebdomadaire Réforme. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Colosimo, théologien orthodoxe. Bonsoir. Bonsoir. Alors commençons peut-être par une question politique. Sur le plan économique, il y a, semble-t-il, au PS, une contradiction non résolue, Jean-Marie Bockel, entre d'un côté l'aile gauche du PS, incarnée peut-être par Laurent Fabius, très hostile au libéralisme, qui a voté non au référendum européen, et puis une aile plus centriste, représentée entre autres par Dominique Strauss-Kahn et vous-même, favorable au compromis entre l'efficacité économique d'une part et puis une certaine dose de protection sociale. Est-ce que la candidate Ségolène Royal a réussi à faire la synthèse entre ces deux pôles ? Il me paraît en tout cas indispensable qu'elle la fasse très clairement pour se mettre en situation de gagner, et de gagner notamment au deuxième tour. Autant il est tout à fait nécessaire au premier tour pour figurer au deuxième tour, ce qui, on le sait maintenant depuis 2002, n'est jamais gagné d'avance, de rassembler son propre camp, entre guillemets, parce que moi je considère que notre camp, ça n'est pas simplement la gauche classique, c'est déjà une partie du centre-gauche et quelque peu au-delà. Mais bon, c'est une démarche qui suppose évidemment parfois de marcher sur des œufs. Et ensuite, évidemment, au deuxième tour, seule une capacité à rassembler très largement devrait lui permettre de l'emporter. Alors évidemment, puisque vous parlez de la candidate, moi je vous répondrai Parti Socialiste. Il est clair que si depuis 2002, même bien avant selon moi je suis un peu en dissidence idéologique depuis 10 ans, depuis pratiquement 97, où j'ai commencé à me positionner comme socialiste libéral. J'ai sorti mon ouvrage Petit Manifeste Social Libéral dès 99. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. J'avais fait également un colloque à l'Assemblée et un petit ouvrage quelques mois plus tard que j'avais intitulé Comment réussir les 35 heures, et où on a à peu près tout. Ce qui fait débat aujourd'hui, simplement on ne m'avait pas écouté à l'époque. Mais bon, ça ne sert à rien, la nostalgie. Ce que je veux dire simplement par là, c'est que si, sans remonter à 10 ans, on avait su dès 2002, et pourquoi pas autour d'un garçon comme Strauss-Kahn, qui aurait très bien pu incarner cette démarche, su faire preuve, au moins une partie du Parti Socialiste, faire preuve d'un peu d'audace et incarner cette sensibilité centre-gauche, peut-être que la donne aurait été différente. Et en tout cas, la tâche aujourd'hui de notre candidat, en l'occurrence notre candidat de Ségolène Royal, en aurait été facilitée, parce que elle aurait pu s'appuyer sur un Parti Socialiste qui aurait au moins commencé à se moderniser, à moderniser sa pensée, à l'instar de ce qu'on fait et de ce que font tous les partis sociaux-démocrates européens du nord au sud de l'Europe, sans exception aucune, à part la France. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Et ça, évidemment, c'est aujourd'hui... Pourquoi la situation française est celle que vous décrivez ? Pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer le Parti Socialiste français ? Est-ce que c'est le poids de l'extrême gauche ? Franchement, oui, mais le poids de l'extrême gauche, quand on voit combien il se dégonfle facilement. C'est vrai. Dès qu'on s'affirme sur clairement et sans complexe sur une ligne plus, je dirais, plus ouverte, eh bien, je pense vraiment que, bon, on peut dire qu'il y a un peu d'esprit français, on peut dire qu'on a une histoire différente, mais je me méfie aussi un petit peu de ce syndrome français qui consiste à s'imaginer être le phare de la pensée progressiste mondiale. Hein. Je crois que de temps en temps, il faut savoir aussi être un petit peu modeste et se dire que autant on peut à certains moments inspirer les autres, et on l'a fait dans l'histoire, on peut aussi à d'autres moments s'inspirer d'aucuns qui ont, pour des raisons propres à leur pays, pris un peu d'avance sur nous, sur des évolutions inéluctables. En plus, c'est pas simplement une modernisation pour la modernisation, mais si on en revient au fondement de la pensée socialiste, y compris en France, qu'on fait toute la réflexion de quelqu'un comme Monique Cantos-Perber, hein, sur le fait que le socialisme libéral existait déjà dans les fondements même du socialisme français, qu'il a été ensuite dévoyé par sa proximité avec le marxisme, etc. Hein. Et c'est vrai, comme vous le disiez tout à l'heure en parlant de l'extrême gauche, que ce soit l'extrême gauche ou la gauche de la gauche, on est toujours, aujourd'hui encore, quand on est au PS, quelque peu sur la défensive par rapport à ces bien-pensants et qui pourtant ont quand même eu à plusieurs reprises la démonstration de la vacuité et de leur position, de leur incapacité de surcroît à la traduire dans des réalités, c'est-à-dire la réalité de l'action. Hein, d'ailleurs, ça ne les intéresse pas, d'une certaine manière. Et donc, malgré ces difficultés, bien entendu, je soutiens notre candidate. Je voulais simplement, en répondant à votre question, souligner que sa tâche, évidemment, est plus difficile de ce fait. C'est pas parce qu'elle est plus difficile qu'elle n'est pas surmontable, mais sa tâche est surmontable. Elle pourra rassembler cet électorat qui, parfois, aujourd'hui, s'est tourné vers d'autres candidats que si elle sait s'appuyer clairement sur ce que des gens comme Strauss-Kahn, bien sûr, mais aussi il faut qu'elle fasse un choix, quoi. Encore plus clair et net, puisque moi j'ai pas de destin présidentiel, des gens comme moi pouvons dire, et disons depuis un certain temps, et honnêtement, avec quand même une certaine audience, au moins chez les gens qui réfléchissent et qui se posent des questions. Jean-François Colossimo. Vous évoquez l'emprise idéologique, le lointain passé, le marxisme, le social-libéralisme à la française, le 19e siècle, etc. Vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème structurel à savoir que ce sont souvent des anciens gauchistes qui tiennent l'appareil du parti, premier problème. Et deuxième problème, qu'il y a aussi une course démagogique, que le Parti socialiste ne fait pas son boulot pédagogique auprès des Français pour leur expliquer que le monde a changé. Je suis surtout d'accord avec la deuxième partie de votre propos, et ça c'est ma critique la plus sévère à l'égard d'un parti auquel je suis fidèle depuis 34 ans et au sein duquel j'ai évolué. Moi j'étais chevènementiste autrefois, j'étais ensuite proche de Jacques Delors, avec d'ailleurs Hollande, Royal et quelques autres, puis in fine... dans la compétition interne proche de Strauss-Kahn, après avoir défendu mes idées sous mes propres couleurs, en faisant moins de 1% des voix. À l'intérieur du Parti Socialiste. Et donc, naturellement, là, je suis extrêmement sévère, et je partage votre analyse sur le premier point. Je ne suis pas dans l'esprit de la chasse aux sorcières ou des procès d'intention, vous avez d'anciens trotskistes, parce que c'était un moment... ça n'a pas été mon cas, mais c'était à un moment donné une étape de leur parcours personnel, qui sont des gens... parfaitement, non seulement estimable, mais je dirais en prise avec la réalité d'aujourd'hui, et qui justement, parce qu'ils ont côtoyé, je dirais, les limites du trotskisme, ils en sont revenus, je dirais, aguerris, expérimentés, et puis vous en avez d'autres qui effectivement sont toujours un petit peu sur cette manière de penser, et sur cette manière de raisonner, et même sur cette manière d'agir, parce qu'il y a aussi les méthodes, mais il n'y a pas de règle générale. Donc là-dessus, je me garderai de procéder attention, mais sur le deuxième point de votre propos, je suis d'accord avec vous. Alors, dernière question. Aujourd'hui, il y a quand même une voie nouvelle qui s'ouvre. Il y a, j'allais dire, pour des gens comme vous, il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir. Vous n'allez peut-être pas nous répondre très facilement, mais il y a François Bayrou. Est-ce que l'initiative de François Bayrou n'est pas celle que vous cherchez depuis quelques années, d'ouvrir le centre et d'ouvrir le centre à gauche, et surtout sous sa gauche, parce que la droite, c'est déjà fait. L'innovation de Bayrou, est-ce que c'est pas un peu ça? Je suis issu, y compris familialement, de la démocratie chrétienne, oui, et du centrisme. Donc c'est un milieu que je connais bien. Oui. Mon père était au MRP, mon grand-père avant-guerre était dans les partis centristes catholiques. Oui. Il a même fait de la politique, mon père aussi d'ailleurs. Donc je connais bien tout ce monde, et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les grandes figures politiques, y compris sur les batailles européennes qu'a apporté le centrisme en France. Il n'y a pas de mais. Nonobstant cela, j'ai dans mon parcours personnel mal choisi, alors que j'aurais pu être centriste après, dans le début des années 70, après ma vie étudiante, j'ai choisi d'adhérer au Parti Socialiste. Et donc, je l'ai fait, et si j'y suis encore, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, dans nos démocraties européennes, c'est, et je dis ça sans aucun mépris, ni pour la droite, ni pour les partis centristes ou libéraux, les troisièmes voies qui existent dans beaucoup de pays, mais je pense sincèrement que, et y compris dans le contexte français où on a pris un peu de retard, que ce sont des sociodémocrates, un parti de centre-gauche, qui serait, selon moi, le mieux à même de réformer. Pourquoi ? Parce que la réforme, que ce soit sur les questions économiques et sociales, de protection sociale, de santé, de système de santé, les problèmes de société plus généralement, donc toutes choses qui touchent à la vie des gens et qui supposent un peu une remise en question, qui font un petit peu peur, le centre-gauche peut tenir un discours qui est cru, qui est crédible, consistant à dire oui, la réforme est inéluctable, donc menons-les ensemble, modernisons notre pays, sinon de toute façon nous serons perdants, mais nous, héritiers, je dirais, de la pensée de gauche, nous sommes les garants que cela se fera de manière juste, que personne ne restera au bord du chemin, nous ne le ferons pas de manière dure et cruelle, et donc c'est une bonne pédagogie. Donc moi je continue à penser aujourd'hui, et je reviens à votre question sur le centrisme et François Bayrou, que les gens les mieux placés, et en plus de manière adapté à la réalité de nos institutions d'aujourd'hui. Hein. À un moment donné, il faut quand même avoir une majorité, etc. Ce sont des sociodémocrates modernes. C'est pour ça que je mène ce combat dans ma famille. Une fois qu'on a dit ça, je ne rejette pas pour autant toutes les autres familles politiques dans les ténèbres extérieures. Hein. Il y a à droite et autour de Nicolas Sarkozy des gens qui ont une vraie réflexion progressiste, respectable sur le devenir de la société. Il y a chez François Bayrou et autour de lui, et là ça m'amène à une autre idée, n'est-ce pas, que j'évoque depuis la crise des banlieues, et que je suis un peu seul à évoquer, c'est qu'il faut certes à un moment donné que quelqu'un l'emporte, moi je préférerais que ce soit bien entendu ma famille politique et je milite pour cela, mais il faut que sur un certain nombre de sujets, très importants pour l'avenir du pays, qu'on puisse, à un moment ou à un autre, sous une forme ou une autre, pendant certainement un temps limité, car il faut toujours, dans une démocratie qui est une majorité et une opposition, il faut de la confrontation démocratique, mais il peut y avoir des temps pendant lesquels, sur des questions essentielles, hein, la crise des banlieues, c'est un enjeu de cohésion nationale. Les problèmes de société que j'évoquais tout à l'heure, le système de retraite, le système de santé, la protection sociale et toutes ces grandes questions, hein, et ben, c'est des questions sur lesquelles on peut, comme d'autres pays le font, volontairement ou contraints et forcés, mais ils le font, se retrouver, hein, pour transcender nos clivages, parce qu'il faudra toutes les volontés pendant un temps donné. Donc ça, c'est un discours que personnellement, je ne récuse pas. Par contre, est-ce que c'est François Bayrou qui est le mieux à même de générer un tel rassemblement, ou Nicolas Sarkozy, comme il le disait lui-même il y a quelque temps? Moi, je continue à penser que c'est un président ou une présidente, en l'occurrence de centre-gauche, qui, à condition de le vouloir, et à condition à un moment donné de le dire, serait le mieux à même, hein, d'entraîner de tels rassemblements nécessaires pour le pays. Mais à partir de là, évidemment, le débat est ouvert. Alors venons-en aux questions économiques et au travail, puisque c'est le thème qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, Jean-Marie Bockel. Jean-Luc Mouton, d'abord en un mot. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions derrière ces questions économiques. Peut-être quelques mots sur les programmes des candidats et les points saillants, ce qu'il faut retenir. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est que la valeur travail fait retour. Enfin, aujourd'hui, dans les discours, Nicolas Sarkozy parle beaucoup de la valeur travail, de travailler plus, donc l'idée qu'il faut travailler plus, gagner plus, donc les gens sont un peu bloqués aujourd'hui par les 35 heures. Mais dans le discours de Ségolène Royal, il y a aussi une revalorisation du travail. Elle parle plus de donnant-donnant, gagnant-gagnant, mais il y a aussi cette insistance sur la revalorisation du travail, comme si, au fond, tout le monde faisait l'analyse que les 35 heures ont un peu mis une cognée sur cette idée que l'épanouissement individuel était par le travail. On a un peu laissé croire, pendant quelques années, que l'épanouissement de l'homme, bah, c'était aussi par les loisirs, par les activités bénévoles, par tout le militantisme qu'il pouvait avoir, mais que finalement, on a mis un peu de côté la valeur travail. Est-ce que c'est votre analyse par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années autour de la réduction du temps de travail? Est-ce qu'on a fait passer un message qui n'était finalement pas le bon message? Ce risque... Et un risque qui s'est en partie avéré maintenant. Vous faites l'analyse, d'accord. Je l'évoque clairement, explicitement, et je l'écris même depuis presque 10 ans. Donc je suis d'accord. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir comment on en sort. Et là, il faut qu'on fasse attention aux postures. Vraiment, je pense que ce soit les candidats, et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, la candidate que je soutiens, c'est-à-dire Ségolène Royal, que ce soit Laurence Parisot du MEDEF, avec qui, en tant que président de l'Association des maires des grandes villes de France, nous avons un vrai partenariat. Nous avons même fait une réunion ensemble au mois de novembre, c'était une grande première, sur l'attractivité des villes. Et on n'a pas parlé que de questions de boutique, de fiscalité, on a parlé des vraies questions. Hein, parce que souvent, sur le terrain, en province, on n'est pas entre le MEDEF et les maires dans un esprit polémique. Mais néanmoins, que ce soit donc, disais-je, les candidats, en l'occurrence celle que je soutiens, Laurence Parisot, les PME, les représentants du monde économique, je pense qu'on est dans un pays où tout le monde est un peu trop dans l'idéologie. Mmh. Peut-être certains se sont crispés par rapport à des erreurs qui ont été faites sous Jospin sur ce sujet, notamment, ça je peux à la rigueur le comprendre, mais aujourd'hui c'est une nouvelle génération qui est aux commandes ou qui aspire à être aux commandes, et il faut, en tout cas moi c'est ce que je fais dans mes relations avec le MEDEF, c'est ce que je fais dans ma vie politique, même locale, il faut qu'on arrive à sortir, hein, lorsqu'il a été dit, je crois par Ségolène Royal dans le débat l'autre soir à la télévision avec Laurence Parisot, qu'il fallait sortir des présupposés, qu'il fallait pas faire simplement une fixation sur les 35 heures, moi c'est un discours, je pense, le patronat doit entendre, à condition naturellement que Ségolène, et je pense qu'elle peut le dire, soit extrêmement claire sur le fait que dans son esprit, hein, il y aura une vraie négociation, il y aura de vraies souplesses. Hein. Sur l'objectif. Alors, je sais que ça n'est pas facile, hein, mais il faut quand même savoir, nous avons aussi des relations avec les organisations syndicales, dont certaines aujourd'hui sont parfois plus progressistes, hein, que les partis politiques, c'est et vrai. Notamment que celui auquel j'appartiens, hein, et qui eux sont demandeurs de négociations qui ne seraient pas trop étatiques. Donc là aussi, je pense que la candidate socialiste peut donner des signes, sans forcément fâcher sa gauche, parce que sa tâche n'est pas facile. Il faut qu'elle arrive à se faire comprendre d'une partie de la population quand même sensible au fait que notre économie doit fonctionner autrement que dans un climat de guéguerre permanente. C'est peut-être le blairiste qui vous dit cela. Hein. Je ne fais pas d'angélisme en disant ça. Il y aura toujours des rapports de force, il y aura toujours des patrons voyous, etc. Enfin, la plupart des chefs d'entreprise sont quand même des gens qui se battent, hein, qui créent de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi, hein, qui sont autant citoyens que d'autres. Dans les syndicats, il y a des gens formidables qui se dévouent dans un monde où il est quand même difficile, hein, d'être au service d'autrui. C'est pas toujours dans l'air du temps. Dans la classe politique, hein, il y a quand même des gens qui aujourd'hui se rendent bien compte que s'ils veulent que leur territoire, leur ville fonctionne bien, il faut plus, moi c'est ce que je vis avec mes chefs d'entreprise sur les enjeux locaux, les pôles de compétitivité, l'attractivité par rapport à de nouvelles entreprises, etc., ou le maintien de celles qui sont là, bah, il faut qu'il y ait du dialogue et de la compréhension mutuelle. Alors. Et ça, il faut que ça apparaisse un petit peu aussi dans cette campagne. Il ne faut pas que d'un côté on ait le sentiment que, hein, la droite serait à la traîne de toutes les thèses du patronat, que de l'autre côté la gauche, par définition, n'existerait qu'en s'opposant au MEDEF. Là, je crois qu'on a peut-être encore quelques progrès à faire. Je vous propose, juste après un instant de musique, de retrouver un représentant du patronat et des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est juste après cet intermède musical. Radio Notre-Dame. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. tiraient le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Bernard Lavillier, Les Mains d'Or, dans cette émission consacrée à la thématique du travail, de l'économie, avec comme invité Jean-Marie Bockel, sénateur-maire PS de Mulhouse. Et nous sommes également à l'instant en ligne avec Robert Leblanc, qui est membre de la commission biblique des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, également directeur général d'un groupe d'assurance. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous dans cette émission. Alors peut-être pour commencer une question, et puis Jean-Marie Bockel nous donnera son sentiment également. On a l'impression quand même que lorsqu'on parle de l'économie, lorsqu'on parle du travail, il y a beaucoup de dossiers importants. Il y a la croissance, la question des 35 heures, on en a dit un mot, la mondialisation, la dépense publique, le chômage, la recherche, l'innovation. Bref, qu'est-ce qui vous semble prioritaire dans cette campagne lorsqu'on parle d'économie, lorsqu'on parle du travail ? Robert Leblanc. Bonjour. Ce qui me paraît prioritaire, c'est de bien voir que le travail engendre le travail, que... de bonne foi, certains ont exploré d'autres voies et on peut en mesurer aujourd'hui les difficultés. Et donc je crois qu'il faut être très pragmatique. Après avoir tenté une voie qui ne porte pas les fruits attendus, se rendre à l'évidence et s'engager dans une autre voie qui est celle de remettre davantage de gens au travail en ne bridant pas le travail de ceux qui sont installés. C'est-à-dire l'idée que c'est une quantité fixe qui se divise. Si chacun fait moins de travail, il y a plus de personnes qui travaillent. C'est une vision trop statique des choses qui ne marche pas. Et donc je crois que tous les discours aujourd'hui, et finalement ils sont plutôt convergents, chacun le dit avec ses mots, parce que chacun doit ménager les sensibilités de ceux qui sont proches de lui, mais j'ai l'impression qu'il y a une convergence quand même sur l'idée que il faut libérer le travail de ceux qui sont déjà au travail pour que les entreprises produisent plus, et qu'en produisant plus, elles aient la capacité à recruter. Jean-Marie Bockel, alors est-ce qu'il faut partager le travail ou est-ce qu'il faut en créer ? C'est un peu là ça la question aussi. Moi je suis évidemment d'accord avec l'analyse que je viens d'entendre dans la bouche de Monsieur Leblanc. Je le suis d'ailleurs depuis longtemps, c'est un des soucis que j'ai eu d'ailleurs au sein de mon parti politique, puisque c'est des choses même que j'ai, des idées que j'ai défendues sans succès dans des débats internes. Cela dit, comme l'interlocuteur le dit lui-même, aujourd'hui c'est aujourd'hui, il faut tirer les enseignements de tout cela et puis prendre le pays tel qu'il est, on n'a jamais raison tout seul. Je peux le dire également comme responsable, comme maire d'une administration de 2700 personnes, nous avons été amenés en respectant la loi à mettre en place les 35 heures, ou comme président du conseil d'administration d'un hôpital de plus de 3000 personnes, où là ça a posé des problèmes que l'on sait dans le monde hospitalier, où on est ouvert 24 heures sur 24, donc et évidemment avec un environnement d'entreprises privées de toute taille qui évidemment ont souvent témoigné vis-à-vis de moi des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais évidemment, aucun candidat ne propose, je parle des grands candidats, hein, le retour en arrière comme si ça n'avait pas existé, comme si... Bon, moi, évidemment, au niveau de l'analyse, je vous dirais ce que j'avais déjà dit et écrit dans la réunion que j'avais organisée en, je crois, en 98 sur les 35 heures, à savoir l'idée n'est pas mauvaise à condition de mettre de la souplesse dans le dispositif et que ça doit s'adapter à tout type d'entreprise. Enfin, je ne veux pas faire ce développement, je crois qu'il est assez largement partagé. Donc aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas remettre en cause le dogme, il ne faut pas faire une loi qui remette en cause les 35 heures. Ce serait de nouveau la grande polémique qui ferait perdre du temps au pays, qui diviserait le pays, qui nous ferait à nouveau avoir des débats d'autrefois, mais il faut trouver un vrai consensus par de vraies négociations, hein, et par des négociations gagnant-gagnant où tout le monde puisse se retrouver. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec la formule de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, par exemple? Je suis d'accord avec cette formule à une condition, c'est qu'on ajoute à cette phrase tout de suite une autre phrase. Il y a des gens, hein, qui n'en sont pas à travailler plus pour gagner plus, hein, mais qui souhaiteraient simplement travailler. Ce qui pose d'ailleurs une autre question bien française, que d'ailleurs tous les candidats ont souligné, y compris celle que je soutiens, qui est la motivation des gens en situation de grande précarité, bénéficiaires du RMI, etc., à passer d'un stade, hein, de pauvreté assistée, hein, qui n'est évidemment pas satisfaisante, à un stade de travail parfois au début difficile, pas très bien payé, et où évidemment les gens, par rapport aux déplacements, par rapport à tout ce que ça coûte de travailler à nouveau, garde d'enfants, etc., font leurs calculs. Donc ça, c'est des choses, mais il y a des solutions, hein, en France pour arriver à cela. Je ne vais pas les développer ici, mais on les retrouve dans différents programmes, et notamment d'ailleurs de ce point de vue-là, hein, il y a de très bonnes choses dans le programme de Ségolène Royal, hein, sur, disons, sur cette question. Je vous assure, il y a de bonnes choses, hein, dans le pacte. Hein. Le sourire dubitatif de Jean-François Colosimo. Mais si vous voulez, je voulais Jean-Marie Bockel un peu chercher d'un coup comme ça. Non, mais quand même, là je pose de vraies questions. Donc oui, c'est vrai, et je ne vais pas le contredire parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit. Ça n'aurait pas de sens que beaucoup de nos concitoyens sont prêts à travailler plus pour gagner plus, et dans bien des domaines, c'est possible. Hein, c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui saura faire ce travail. Et donc là, il faut mettre de la souplesse. Je milite pour cela avant même que tel ou tel ne l'ait dit. Mais c'est vrai aussi que si on veut que dans notre pays, les réformes soient perçues comme justes, les efforts soient perçus comme partagés, il y a aussi des signes qui soient donnés, concrets, réalistes, à ceux qui n'ont pas de travail. Alors là, il y a un panel... évidemment de possibilités. Dans les gens qui n'ont pas de travail, il n'y a pas que les plus démunis, il n'y a pas que ceux qui sont bénéficiaires du RMI, il y a aussi des gens qui sont en chômage de longue durée, qui ont une qualification, enfin bref, je pense que c'est un des sujets sur lesquels, par-delà le nécessaire débat présidentiel, il faudrait qu'il y ait un jour en France, peut-être au lendemain des élections, un certain consensus, hein, non seulement politique, mais également entre entreprises et syndicats. Et je sens que c'est mûr, hein, parce qu'il y a une attente forte du pays, et puis une inquiétude sourde de notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est nos enfants, hein, donc aussi, hein, des gens de notre génération, hein, et bien qu'on reprenne un petit peu la main sur ces questions et qu'on ne continue pas à subir des situations en termes d'emploi, en termes de capacité à profiter de la croissance qu'on n'a pas su faire sous l'époque Jospin, que d'autres pays, dans le même contexte mondial, eux, arrivent à valoriser. Alors, question à la fois... C'est mon social-libéralisme. Question à la fois pour Robert Leblanc et puis ensuite Jean-Marie Bockel. On a l'impression quand même que effectivement tout le monde, ou en tout cas beaucoup de monde, se met d'accord sur la nécessité de réformer. Et en même temps, on a l'impression que les Français sont très frileux. Je veux dire, il y a quand même une majorité de Français qui sont prononcés contre le référendum à l'Union européenne, contre la Constitution, parce que celle-ci était peut-être trop entachée de libéralisme. Est-ce qu'il n'y a pas une réticence, un vieux fond français qui s'oppose à ce qu'on aille vers davantage de libéralisme? Pour moi, c'est... Jean-Marie Bockel. C'est coup de pied au derrière à la classe politique. Il y a eu le coup de pied au derrière de 2002, le premier tour, le 21 avril, Le Pen. Il y a eu le coup de pied au derrière du référendum. Quel sera le coup de pied au derrière des prochaines présidentielles, hein, si tant est qu'il y en ait un. J'espère qu'on saura anticiper cette envie de nos concitoyens de nous dire maintenant ça suffit vos histoires. Parce que, voyez-vous, je pense que les gens sont... plus intelligent qu'on ne le pense, et je dis ça sans démagogie, je veux dire que les gens, en tout cas une majorité de gens, Hein. Il y aura toujours des malcomprenants, mais une majorité de gens sont capables de comprendre que le monde a changé, hein, sont informés et sont capables d'entendre, notamment sur les questions économiques et sociales, un discours différent, à condition qu'on ait simplement l'audace de le tenir, et pas simplement en période électorale, hein, mais qu'un parti politique, à travers notamment sa réflexion, son projet, puisse peu à peu contribuer à une pédagogie et pas être simplement toujours derrière les corporatismes qui sont souvent très minoritaires et très conservateurs. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, et je pense qu'un des enjeux de la réussite de la candidate que je soutiens est... Elle avait réussi à certains moments à le faire comprendre dans le débat interne, qu'elle était un peu plus iconoclaste que les autres. Eh bien, c'est de jouer avec le peuple, avec les citoyens, sur ces questions, y compris les plus sensibles, hein, la carte, comment dirais-je, de la confiance. C'est-à-dire, on s'adresse à des adultes, on s'adresse à des gens qui sont capables de comprendre. Et une des idées intéressantes qu'il y a aussi chez notre candidate, c'est de jouer la carte de la souplesse et de la flexibilité. Enfin, il faut qu'elle le dise elle encore dit plus clairement. Le mot, hein. Encore plus. Elle parle de souplesse, elle parle d'agilité. Bon, enfin, peu importe. Bah, moi, je le dis en même temps que la carte de la sécurité personnelle. C'est un peu l'idée Europe du Nord, que d'ailleurs d'autres candidats... La flexi-sécurité, c'était dans ma motion au Congrès. Je pense que ça, c'est un discours que les citoyens peuvent entendre. Le discours anti-délocalisation, le discours extrême-gauche, j'interdirai les licenciements, c'est des gens, même quand à un moment donné, ils subissent durement des situations, et il faut toujours vraiment se mettre à la place des gens, c'est quand même pas évident. Hein, quand on voit bien de temps en temps des émissions, ou même on le voit dans nos villes, hein, vous avez des gens qui vont perdre leur travail, qui n'ont... Eh bien, par des délocalisations, c'est très très dur, mais c'est pas parce que c'est dur qu'on doit être démagogue, mais c'est pas non plus parce que c'est dur et qu'on n'a pas de solution facile qu'on doit tenir un discours d'impuissance. Rappelez-vous Jospin, quand il a eu cette phrase malheureuse et maladroite en disant l'État ne peut pas tout. Bien sûr que l'État ne peut pas tout, mais l'honneur des politiques, c'est d'avoir sur toutes ces situations des réponses. Alors justement sur cette question-là, Robert Leblanc, donc membre de la commission biblique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, également chef d'entreprise, il y a une proposition faite par le Parti Socialiste et la candidate Ségolène Royal qui serait de mettre en cause les aides accordées aux entreprises, notamment pour celles qui licencient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un peu primaire comme approche. On comprend l'idée qui est derrière et qui s'adresse à une composante de l'électorat qui est sensible à ce genre de discours. Mais la réalité des entreprises est beaucoup plus complexe. Et je crois surtout, moi si j'ai un message en tant que chef d'entreprise, c'est évitons de placer des personnes qui sont extérieures au monde de l'entreprise en situation de juger l'entreprise. Le métier de chef d'entreprise est un métier difficile. C'est pas le seul qui est difficile, mais il est difficile. Et ce sont pas des gens extérieurs qui peuvent dire, dans ce cas-là, ce qui a été fait était bien, était juste. Parce que c'était juste, alors les aides qui existaient par ailleurs restent accordées. Ou alors, je considère, moi qui ne suis pas de l'entreprise, que ce n'était pas juste, et les aides qui étaient accordées ne le sont plus. Je pense que c'est une très très mauvaise approche. Alors, pour autant, je suis pas partisan d'exagérer les aides. Si on veut une économie libérale, il faut que chacun assume ses responsabilités. Voilà. Mais je voulais revenir sur le travail quand même, parce que ce qui me paraît très très important sur le travail, c'est de sauter de la tête cette idée qui me semble totalement fausse, qui est que nécessairement le travail recule. Il y a des milliers de choses à faire. Il y a d'ailleurs qu'à voir les engagements associatifs d'un tas de gens. Alors vous me direz, c'est en dehors du monde marchand, mais peu importe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toujours à faire dans le monde. Alors, on n'est pas dans un monde qui s'arrête de tourner et où tout le monde va se croiser les bras en regardant des machines fabriquées pour nous, ce dont on a besoin pour vivre. L'aventure humaine se poursuit. L'aventure humaine, c'est d'abord et avant tout des gens qui travaillent les uns avec les autres. Et ça, je pense qu'il faut le redire comme quelque chose de base et éviter d'avoir comme perspective que, comme de toute façon le travail recule, il faut bien partager quelque chose qui est en quantité réduite. Il faut vraiment aller de l'avant de ce point de vue-là. Et la deuxième chose que je veux dire sur le travail... Oui, rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est quand même qu'on voit tous, moi je le vois en tant que chef d'entreprise, on le voit en tant que particulier quand on a besoin d'un menuisier, d'un peintre, de qui on veut, il y a plein de travail dans le pays qui n'est pas fait parce qu'on ne trouve pas les personnes à recruter. Donc le problème de l'emploi est un problème beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Tant qu'on le pose en termes arithmétiques, on fait fausse route. Si on le pose en termes qualitatifs, je suis sûr qu'il y a des solutions. Et les questions de formation, l'éducation, les filières d'enseignement, la manière d'acheminer 80 ou 90% des gamins au bac et vers des filières qui ne débouchent sur rien. Là, il y a des vraies questions pour le pays. Il y a plein de travail qui n'est pas fait, qui ne demande qu'à être fait. C'est aussi la question peut-être du coût du travail, la création d'entreprise, Jean-Marie Bockel. Oui. Ce que vous avez dit, votre philosophie du travail, je la partage, hein, et donc c'est pas la peine que je répète ce que vous avez fort bien dit. Par contre, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'entreprise, aider, pas aider, etc., j'ai des points d'accord et des points de désaccord. Je suis d'accord avec l'idée que, c'est pas, bien sûr, il faut des aides, mais il y en a beaucoup trop, il faut clarifier ce maquis, et parfois, un peu de souplesse vaut bien des aides. Par contre, là où je ne vous suis pas, c'est de dire que parce que l'entreprise, le chef d'entreprise sait ce qui se passe chez lui, et donc il n'y a pas à venir constamment l'ennuyer avec des histoires d'aide. Moi, je pense tout simplement que, bien sûr, que l'entrepreneur connaît sa boîte et connaît ses soucis mieux que personne, mais à partir du moment où il y a de l'argent public, on peut ne pas en mettre, on peut ne pas en vouloir. Il faut, encore une fois, améliorer, clarifier, simplifier ce système, et il y aura toujours, comme aux États-Unis, comme dans tous les pays du monde, de l'argent public dans l'économie. À partir du moment où il y a de l'argent public, il y a une règle du jeu. Elle doit être claire, elle doit être connue, elle doit être vérifiée par des gens compétents et qui le fassent dans un bon esprit, hein, mais on ne peut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de règles du jeu. Ce n'est pas démagogique que de dire cela. C'est au contraire une manière de faire comprendre à tous, y compris aux citoyens, hein, qui, acceptent ce principe d'aider un certain nombre d'activités économiques, et bien qu'on peut le faire sans souci, puisque des règles du jeu existent et qu'elles sont respectées. Je pense que là-dessus, on peut tout de même tomber d'accord. Merci Robert Leblanc d'avoir été avec nous. Le temps tourne, nous sommes obligés d'avancer, de marquer une très courte pause musicale, et puis on se retrouve dans un instant, toujours avec Jean-Marie Bockel, sénateur maire PS de Mulhouse, pour parler du travail, de l'économie, toujours avec Jean-François Colosimo et Jean-Luc Mouton. Radio Notre-Dame. He's always happy. He never looks mean. Even if the sun should come in between. The man in the moon is smiling, 'cause he's in love. The man in the moon is smiling, 'cause he's in love with the girl in the world. She's there in the evening. She never comes late. All day she spins around, but never makes him wait. The girl in the world is smiling, 'cause she's in love. The girl in the world is smiling, 'cause she's in love with the man in the moon. When two heavenly bodies glow, all the stars agree. A planet might be born, maybe even a galaxy. And in the morning, they don't say goodbye. No, they don't say goodbye. But with a kiss, they blend into the sky. Oh, they're smiling, 'cause they're in love. The man in the moon is smiling, 'cause he's in love with the girl in the world. The man in the moon is smiling, 'cause he's in love with the girl in the world. Harry Connick Jr., Heavenly, toujours donc... pour cette émission consacrée au travail avec Jean-Marie Bockel, sénateur-maire PS de Mulhouse. Et puis, première question de cette troisième partie avec vous, Jean-François Colosimo. Oui, on a bien compris, donc, Jean-Marie Bockel ne partageait pas, je dirais, un peu la mythologie de la gauche de droit divin qui, se sentant dans son bon droit, ne peut pas revenir sur les 35 heures parce que ça serait finalement revenir sur ces mythologies fondamentales. Mais j'ai l'impression que depuis le début de l'émission, on est un peu sur une autre mythologie qu'on n'a pas abordée. Émeric Pourbet a parlé de manière très positive de Tony Blair. Notre invité a parlé de manière très positive de Tony Blair. Il semble pas que les Anglais parlent, eux, de manière aussi positive de Tony Blair, n'est-ce pas? Et le travail, c'est un peu aussi la dignité du travail. Et il semble aussi qu'il y ait un libéralisme de gauche qui, au fond, apparaissent aussi assez relativement destructeurs des identités, des grands équilibres sociaux. Par exemple? en Grande-Bretagne aujourd'hui. On voit très bien que le bilan économique et le bilan moral n'est pas toujours non plus à la hauteur de cette formidable image internationale, n'est-ce pas ? Jean-Marie Bocquel. Je comprends bien ce que vous voulez dire par là, et ça m'amène à m'expliquer. D'abord, toute action humaine, qu'elle soit, s'agissant des sociodémocrates, schrödériennes, blairistes ou françaises ou autres, ne réglera pas ipso facto tous les problèmes de la société, toutes les injustices, et même un bilan largement positif par rapport à ce qu'était par exemple l'Angleterre à la fin de la période conservatrice, eh bien, ne sera pas pour autant le paradis sur Terre, loin s'en faut. Ce qui est intéressant par rapport au blairisme, adapté à une réalité d'un pays très différent quand même du nôtre, notamment dans son rapport à l'entreprise, aux services publics, à la protection sociale, etc., c'est les grands progrès, dans un sens d'éducation, de justice sociale, de services publics, qui ont été faits sur Blair, sans casser la dynamique économique, qui fait qu'il y a quand même, je ne sais pas combien, de 100 ou 200 000 Français qui ont décidé de travailler à Londres. Donc tout ça, c'est une... Et 200 000 Britanniques qui viennent se faire soigner en France. Non, mais je vous apprends... 100, 200 000, 500 000 Britanniques qui viennent se faire soigner en France. Excusez-moi, on a raison tous les deux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je ne suis pas un blairiste anglais, que l'Angleterre, c'est une réalité contrastée, avec des choses qui vont mieux, avec des choses qui continuent à ne pas aller bien, même parfois des situations qu'on peut ici ou là se dégrader. C'est la réalité. De même que les prises de position internationales de Blair peuvent être parfaitement discutables. Mon propos n'est pas là. Mon propos, c'est de dire qu'une social-démocratie, dans le monde d'aujourd'hui, si elle veut encore avoir sa place dans le débat démocratique, a vocation à se moderniser par rapport à la situation propre de chaque pays. Le système allemand, avec leur consensus actuel, les Anglais peuvent ne pas le comprendre parce que c'est pas leur culture. Mais les Allemands se sont modernisés, parfois dans la douleur. Ce que je demande simplement... Je suis très attaché au modèle français. Je ne veux pas revenir à l'anglais. L'exemple, c'est la modernisation. Les sociodémocrates allemands ont accepté de se casser en deux. Ils ont évacué, en quelque sorte, leur aile post-communiste. Ah, mon cher ami. N'est-ce pas ? Ils ont accepté de payer le prix, ils ont pris le risque de casser le parti. Mais il y a des risques qu'il faut savoir prendre. Jean-Marie Bocquel, une question quand même sur ce modèle. On peut le faire en France, hein. Sur ce modèle social. Qui vivra verra. Vous dites qu'il faut préserver le modèle social. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas justement ce modèle social qui est en crise et qu'il faut revoir d'une certaine manière ce système sur lequel on vit depuis 50 ans ? Il est plus qu'en crise. Il est à bout de souffle. Mm-hmm. L'État-providence est à bout de souffle. Donc la question, c'est est-ce que on l'abandonne pour basculer dans une société complètement différente, avec ses qualités et ses défauts, mais qui sera sûrement moins protectrice de l'individu, moins respectueuse, au moins dans la pratique, d'un certain nombre de valeurs que, même dans cette radio, on peut... Enfin, notamment, et tout particulièrement dans cette radio, le même est de trop, on peut partager, ou est-ce que on arrivera en France à être à nouveau, comme on a su l'être parfois, pionnier, dans cette capacité qu'on aura de concilier un nouveau modèle social, c'est-à-dire des sécurités permettant l'audace de tous à inventer, à réinventer, à moderniser, forcément à changer par rapport à ce qui est aujourd'hui à bout de souffle, et qui d'ailleurs est de moins en moins consensuel, même chez les habitants. Les uns, notamment les classes moyennes, ont l'impression d'être entre les riches, toujours plus riches et parfois un peu cyniques, et les pauvres de plus en plus nombreux, mais minés aussi par l'assistanat, ont l'impression d'être un peu cette classe qui tient encore bon gré mal gré, y compris dans nos villes, et qui ne supporte plus ces solidarités un peu dévoyées. Donc on voit bien que tout ça a besoin de changer. Donc moi, mon rêve à moi, c'est qu'on arrive effectivement à inventer à nouveau un modèle social, non pas arrêter l'idée qu'il y ait un modèle social, mais un modèle social compatible avec la dynamique, avec l'efficacité économique, la création de richesses sans laquelle aucun partage n'est possible. C'est tout bête au départ, mais comme pourquoi, idée. Pourquoi, c'est pas très difficile à comprendre, en quelque mais sorte. Pourquoi on n'arrive pas à dire ça dans la campagne Pourquoi on n'arrive pas à dire ça simplement dans la campagne, en disant le modèle que nous avons, ne serait-ce que l'État-providence, pour le sauvegarder, pour le sauver, il faut le changer. Pourquoi on n'arrive pas à dire ça aussi simple? Écoutez, ma différence, c'est que j'aimerais qu'on puisse le dire davantage. Par contre, je suis content de pouvoir le dire, et de pouvoir, en le disant, contribuer, je dirais, à la dynamique de la candidate que je soutiens. Et tant que je ne serai pas contredit, tant qu'on ne me dira pas « mais non, tu n'as même pas le droit de le dire », eh bien, ça voudra dire que j'ai ma petite part de vérité dans cette polyphonie et cette petite part de vérité, je l'espère, lorsqu'on aura passé le cap des élections, hein, pourra être, comment dirais-je, évoquée et mise en œuvre avec un petit peu moins de timidité et de prudence pour ménager la chèvre et le chou. Et c'est tous les conservatismes de gauche également auxquels un candidat, quel qu'il soit d'ailleurs, et c'est le cas bien sûr de Ségolène, est confronté. Et je comprends qu'elle soit obligée de faire avec. C'est toute la difficulté de l'exercice. Mais peut-être que par le discours clair que je tiens aujourd'hui, puis-je contribuer à faire passer là aussi quelques messages de ce que pourrait être demain une politique de centre-gauche en France. Mmh. Une question aussi quand on parle du travail, qui dans la conception chrétienne est évidemment a beaucoup de dignité, hein, c'est la dignité du co-créateur, mais aussi une souffrance. Et aujourd'hui, est-ce que cette dimension de souffrance n'est pas dominante dans le travail? On parle du stress au travail, du phénomène de burn-out ou d'épuisement, du manque de sens, d'inhumanité. Est-ce que ce n'est pas cela finalement qu'il y a au fond de la réflexion sur le travail? Mais qu'il y ait dans nos sociétés modernes une réflexion de fond sur la manière dont peu à peu pourra évoluer le travail, y compris d'ailleurs par rapport au stress, par rapport à tout ce qu'on a vu, les gens qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus, etc. Même en termes tout simplement d'efficience économique, tout simplement. Parce que, qu'il y ait ce type de réflexion, je pense que c'est très bien et c'est même très important et ça doit faire partie du débat politique. Mais vous l'entendez pas tellement. Mais en même temps, par rapport à ce que disait tout à l'heure le chef d'entreprise qui était à l'antenne, on peut avoir ce type de réflexion, ce type de remise en cause d'une certaine forme de travail, avec quand même l'idée générale que le travail c'est bien, hein, à la fois dans une société mais également dans une vie. Moi je suis évidemment pétri de cette idée, j'ai été élevé comme ça, hein, où on peut considérer que on veut réformer le travail, critiquer certains excès du travail, même dans le monde moderne, avec l'idée que de toute façon, le travail est un mal nécessaire, ce qui est une autre philosophie de la vie qu'on peut avoir, et que certains auront toujours dans une société. Mais les sociétés qui s'en sortent, je ne veux même pas parler des sociétés qui gagnent, enfin qui gagnent au sens qu'elles relèvent les défis, ce sont des sociétés où la valeur travail, et ça quand même Ségolène le dit, elle n'est pas la seule, mais elle le dit, hein, à toute sa place et de manière positive et pas simplement comme un mal nécessaire. Est-ce que c'est vraiment même en termes d'épanouissement des personnes, ouais. pas que le travail, mais c'est un des éléments de l'épanouissement et de la place que chacun veut occuper, de la dignité de chacun dans la société. Moi, je crois profondément à ça. Si on compare la société où vous faites la distinction entre la société où ça marche mieux et la société où ça marche moins bien, c'est vrai que la société où ça marche mieux aujourd'hui, ce sont plutôt les sociétés du nord de l'Europe, quoi. L'Espagne marche pas si mal que ça. Oui. Mais tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre point, peut-être plus philosophique ou peut-être spirituel, je ne veux pas me ramener l'affaire entre protestants puis de tradition protestante, puis de tradition catholique, mais dans la philosophie d'un homme comme Tony Blair ou même chez Bill Clinton, par rapport à cette question du travail et des gens qui sont issus du travail, ils font une distinction entre le welfare et le warfare. Et donc ils insistent beaucoup. La traduction, c'est welfare, c'est la bienfaisance, c'est-à-dire c'est les filets qu'on tend pour ceux qui ne peuvent pas s'en sortir. C'est du social. Voilà, c'est du social. Et le warfare, c'est les gens qu'on leur dit, écoutez, maintenant il faut que vous en vous-même, c'est vous qui allez vous aider et vous pouvez le faire tout seul. Ça, c'est vraiment la société américaine. Mais là, dans cette société-là, on insiste beaucoup, et ça, c'est un thème peut-être protestant, enfin, issu de ces sociétés protestantes, c'est la responsabilité individuelle. Si on n'essaie pas de s'en sortir, on ne s'en sortira pas. C'est pas l'État qui va tendre les filets tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être une clé d'une évolution française? Est-ce que c'est pas sur ce point-là qu'il faut insister? Le maire catholique, de confession catholique, oui, mais alsacien, d'une ville de grande tradition protestante. Oui, tout à fait. Oui. Hein, ça a été un des temps forts de la révolution industrielle à Mulhouse. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Vous dit que oui. Hein, je pense que, et je le dis moi y compris dans le quotidien de ma ville par rapport à des problèmes non seulement d'accès à l'emploi, on est très engagé sur l'accès à l'emploi, hein. Quand on a fait notre tramway, il y a eu plus de 230 personnes qui, s'il n'y avait pas une action volontariste pour les remettre au travail, pour les rendre employables, seraient restées au bord du chemin. Eh bien, je tiens ce discours également sur les questions de sécurité, de société, de prévention, d'éducation. Je tiens un discours comme socialiste de retour à la responsabilité individuelle. Je crois profondément à ça. Je pense que dans une certaine gauche, il y a même une certaine forme de mépris de ces pauvres citoyens qui n'en peuvent mais, et donc c'est contraire à toute idée socialiste, hein. L'idée socialiste au départ, c'est la promotion de l'individu, c'est chacun peut se prendre à main, être maître de sa destinée, de sa vie, etc. Et ça passe aussi par une dimension de responsabilité individuelle, même dans ce que ça peut avoir parfois d'un petit peu dur, d'un petit peu difficile, avec une dimension parfois de coup de pied au derrière, fraternelle et amicale, pour, hein, et dont parfois on vous remerciera, hein, comme nous-mêmes dans l'éducation qu'on a eue à la maison, de temps en temps, ça nous a fait du bien d'avoir été paternellement ou maternellement un tout petit peu secoué, hein, enfin dans l'amour, mais secoué quand même. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de bien personnellement. Hein. Donc, moi, je crois profondément cette philosophie de la responsabilité individuelle. Et pour moi, c'est aussi ça être socialiste. Alors, il nous reste une minute, question très rapide, réponse très rapide de Jean-François Colosimo. Non, mais c'est juste une remarque. Je voudrais simplement dire qu'il y a aussi cette façon assez catholique orthodoxe de dénoncer l'argent roi, l'argent qui travaille pour lui-même, que c'est pas rien non plus dans la dignité des êtres humains. Et je pense que vous évoquez le racisme. Je vais vous dire. Alors de ce point de vue-là, et là, je me retrouve tout à fait dans cette idée orthodoxe et où je ne sais pas ce qu'elle est. Donc, j'ai toujours considéré qu'il fallait mettre l'argent à sa place, à sa juste place. Je suis très choqué par les dérives de notre société, l'argent, même par rapport à nos propres enfants qui voient ça tous les jours à la télévision. Moi, comme père, ça me révulse. Hein, et je pense qu'il faut que l'argent ait sa place, sa juste place, mais seulement sa place. C'était important. Et ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, Jean-Marie Bockel, sénateur, maire PS, alors socialiste atypique, vous l'aurez compris, de Mulhouse. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, avec plaisir. Très bonne soirée à tous. On se retrouve la semaine prochaine.